السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، واصل سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأنفعنا بما تعلمنا ويزيدنا علما ويوفقنا إلى كل خير. Est-ce qu'il nous rappelle ce que nous avons vu durant le dernier cours? Est-ce qu'il nous résume le compas? Babu Siwak. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Al Siwak? Quel est son jugement? C'est très recommandé. Na'am. À quel moment c'est recommandé? De manière générale. Jazakallahu khayran fi jami' al-awqat. Même si la personne est en état de jeûne? Na'am. Même si la personne est en état de jeûne. Puis, nous avons cité des moments particuliers où le siwak était recommandé. Qu'est-ce qui nous rappelle cela? Et on va en ajouter, inshallah ta'ala. Avant d'entrer en prière. Avant de commencer al-wudu. Ensuite, lorsque la personne entre chez elle. Elle commence même par cela. Elle commence même par cela, comme ça nous a été rapporté, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Kayf? Inda dukhuli al-masjid, lorsque la personne entre au masjid. Quelle preuve ont utilisé les savants pour citer ce que tu viens de dire? Al-qiyas. L'analogie entre eux, le fait d'entrer chez toi et d'entrer au masjid. Et la meilleure demeure et la plus noble est al-masjid. Donc si on fait cela en entrant chez nous, à plus forte raison, au masjid. Ensuite, عند الانتباه من الليل من النوم. عند الانتباه من النوم. Lorsque la personne se réveille. Non. Non. Pas forcément une mauvaise. Lorsqu'il y a un changement. Non. Lorsqu'il y a un changement d'odeur, d'haleine. Ou s'il y a une mauvaise haleine. Non. هذا الذي ذكرنا. Non. Comment? Avant de lire le Coran, de manière plus générale, inda iradati dhikrillah, lorsque la personne veut invoquer ou bien évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي موسى أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أبي عامر أنه قال له أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له استغفر لي فدعا أي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر متفق عليه. Quelle est la preuve de cela? Il me semble qu'on ne l'avait pas cité dans le cours précédent. C'est qu'Abu Moussa, radiallahu anhu, a transmis une information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit que Abu Amir le saluait et qu'il lui demandait d'invoquer pour lui, d'invoquer Allah en sa faveur afin qu'il lui pardonne ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on lui amène de l'eau pour faire ses ablutions. Il a fait ses ablutions, puis il a levé les mains et il a dit « Oh Allah, pardonne à ton serviteur Abi Amir. » Pardonne à ton serviteur Abi Amir. Ce hadith dans le recueil d'Imam Bukhari et d'Imam Muslim. De ce hadith, les savants ont tiré que c'est recommandé de faire, d'être en état de purification, bien de faire le wudu avant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou avant de faire ad-du'a. Un autre cas ou bien un autre hadith عند أبي داود رحمه الله تعالى مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فلم يرد عليه السلام فلما فرغ قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. Un homme est passé près du prophète صلى الله عليه وسلم et il lui a passé le salam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'uriner. Lorsqu'il a fini, il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai détesté évoquer le nom d'Allah sans avoir mes ablutions, sans être en état de purification. Naam. De cela, les savants ont tiré que parmi les moments où c'est recommandé de faire al-wudu avant dhikrullah, avant de citer le nom d'Allah, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ça c'est pour al-wudu. Concernant al-siwak, ou plutôt les moments, c'est mustahab de faire al-wudu. Est-ce qu'on avait cité ça? C'est ce qu'on devait citer aujourd'hui? Non. Taïb. Donc on a vu, on a fini avec les moments où mustahab lirajul an yassak. Non. Les différents moments où c'est recommandé d'utiliser as-siwak. Donc la base, c'est que c'est recommandé de manière générale. Non. Puis on a cité des moments particuliers où on nous a fortement recommandé ou bien on nous a recommandé d'utiliser As-Siwak. Sur As-Siwak, il y a une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala que je voulais vous lire. Il a cité, rahimahullah ta'ala, des mérites et des bienfaits qu'il y a dans le fait d'utiliser as-siwak. Même si on en a cité quelques-uns. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit « Min fawa'id as-siwak » donc parmi les profits d'utiliser As-Siwak. Et il cite cette parole dans Zadul Ma'ad, dans son livre Zadul Ma'ad. Wa fi Siwak, iddatu manafi'. Il nous dit, et dans l'utilisation du Siwak, ou bien dans le Siwak, il y a plusieurs profits. Il en a cité plus d'une dizaine. Ici, j'en ai environ 16. أولا يطيب الفم ثانيا يشد اللثة أو اللثة ثالثا يقطع البلغم رابعا يجل البصر خامسا يذهب بالعفر سادسا يصح المعدة. طيب je vais traduire en même temps, c'est plus facile à suivre pour l'ensemble. Donc premièrement, il donne une bonne odeur à la bouche. Deuxièmement, il renforce les gencives. Troisièmement, il diminue ou bien fait disparaître les glaires. Quatrièmement, il renforce la vue. Éclaire ou bien renforce la vue. Cinquièmement, il repousse ou fait disparaître les caries. Sixièmement, il permet à l'estomac d'être en meilleure santé. Septièmement, ça procure une voix plus claire. Une meilleure voix. Thaminan yu'inu ala 'azmi at-ta'am. Huitièmement, ça aide à broyer les aliments ou à mâcher la nourriture. Tasi'an, neuvièmement, yusahhilu majari al-kalam. Il facilite l'élocution. Ashiran, yunashitu lil-qira'a. Ça te motive pour la lecture. Ça te rend plus vif. Naam. Celui qui utilise le siwak aura plus d'entrain, de motivation et de force à la lecture. Tu utilises le siwak avant de lire, ça va te motiver, tu seras plus fort et plus endurant pour lire. Onzièmement, yunashitu les zikr. Pareillement, mais pour le zikr. Ça t'encourage, ça te renforce, ça te motive pour faire du zikr. Douzièmement, les salah, pareillement, il achète tout, les salah, pareillement, mais pour la prière. Donc celui qui utilise le siwak avant la salat aura plus d'envie, sera plus motivé pour accomplir la prière. Treizièmement, yatrudun naoum, ça fait disparaître le sommeil, ça repousse l'envie de dormir. Naam. Quatorzièmement, yurdir rab, ça te vaut l'agrément du Seigneur. Quinzièmement, yurdibu al-malaika, ça plaît aux anges. Seizièmement, yuksiru al-hasanat, ça te vaut ou bien ça augmente le nombre de tes bonnes actions. Inta kalamu rahimahullah. Voici des bienfaits qu'il y a dans l'utilisation du siwak. Et ceci est une partie des bienfaits. Donc, nous reprenons le chapitre sur al-wudu. Bab al-wudu. Al-wudu bidam. بضم الواو هو الفعل والوضوء بفتح الواو هو الماء المستعمل لذلك. Donc الوضوء avec la dhamma c'est l'action de faire ses ablutions, et الوضوء avec la fatha c'est l'eau utilisée, c'est le nom qu'on donne à l'eau utilisée pour faire ses ablutions. ولغتان الوضوء مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة. Et dans la langue arabe, le wudu est tiré du mot al-wada, qui est la propreté. وشرعا قال أهل العلم الوضوء هو التعبد لله باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الوضوء شرعا dans la religion d'Allah سبحانه وتعالى هو التعبد لله. C'est une adoration que l'on voue à Allah. بِاسْتِعْمَالِ مَاءٍ طَهُورٍ. En utilisant de l'eau pure, فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْضَعَ. Dans les quatre membres, à la صِفَةٍ مَخْصُوصٍ. Et cela d'une façon particulière. Ce qu'on verra dans le chapitre de صِفَةُ الْوُضُوءِ. Comment faire الْوُضُوءِ. Inch'Allah ta'ala. Donc lorsque les savants disent التَعَبُّدُ لِلَّهِ. Donc el wudu, c'est quoi? C'est une adoration. C'est une adoration. Celui qui se lave les membres de l'wudu, mais sans viser par cela le fait de se rapprocher d'Allah, on ne dira pas de lui qu'il a accompli el wudu. Naam, il peut vouloir se nettoyer tout simplement. Il peut vouloir se rafraîchir. Mais on ne dira pas de lui qu'il a fait el wudu. De la même façon, celui qui n'a pas fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, son action ne sera pas considérée comme الوضوء شرعا. Car on voit dans la définition التعبد لله. نعم فأخرج المرائي بماء طهور. Avec de l'eau pure. في الأعضاء الأربعة. Avec les quatre membres. وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. Les quatre membres, c'est-à-dire le visage, les deux mains, la tête et les deux pieds. D'une façon particulière, c'est ce qu'on étudiera inshallah ta'ala dans Sifatul Wudu. Hukmul Wudu, le jugement de Al Wudu. Wajibun ala al muhdith idha arada as-salah aw nahwiha. Donc Al Wudu, quel est son jugement? C'est obligatoire. Pour qui? Pour celui qui n'a pas ses ablutions et qui veut faire la prière ou une action dans laquelle on conditionne le fait d'avoir ses ablutions. Donc pour qui est-ce que de faire el-wudu, c'est obligatoire? El-muhdith, celui qui n'a pas ses ablutions, il a arad as-salah, et il veut accomplir la prière. Wa ma fi hukmiha, ou une chose où il a besoin d'avoir ses ablutions comme at-tawaf. Comme at-tawaf. والدليل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. La preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ma traduction, ô vous qui êtes avec vous, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux côtes, et passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allahu salatan bighayri tahur ou bighayri tahur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'a rapporté l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, Allah n'accepte pas de prière sans ablution. Allah n'accepte pas de prière sans ablution. La yaqbalu Allahu salata man ahdath hatta yatawadda. Dans un autre hadith, toujours rapporté par l'imam Muslim, Allah n'accepte pas la prière de celui qui a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. Jusqu'à ce qu'il les refasse. Wal ijma'u قائم على ذلك. نعم, il y a le consensus des savants sur cela. C'est-à-dire que celui qui n'a pas ses ablutions et qui veut accomplir la prière a l'obligation de les faire. على من يجب الوضوء. نعم, على من يجب الوضوء. Qui est concerné par cette obligation? Qui est concerné par cette obligation? كل مسلم مكلف. Tout musulman est responsable. Al-mukallaf huwa al-aqil al-baligh. Al-mukallaf celui qui est considéré responsable religieusement parlant, et celui qui a atteint la puberté et qui a la raison. Celui qui a la raison et qui a atteint la puberté. Celui qui a la raison et qui a atteint la puberté. Celui qui n'a pas la raison, c'est celui qui est majnoun. Celui qui n'a pas la raison, c'est celui qui est majnoun. Non, il n'est pas concerné par l'obligation de l'wudu, ni de la prière, ni de siyam ramadan, et ainsi de suite. Al-Bali, celui qui est pubère, non, cela ne veut pas dire celui qui est majeur, comme on dirait ici, celui qui attend 18 ans. Non. Al-Bali, celui qui est pubère, on affirme cela avec des signes qu'on nous a appris dans la religion. Quels sont ces signes? Indaman. Il y a des signes généraux, c'est-à-dire qui concernent les garçons et les filles. Naam, les adolescents et les adolescents. Et il y a une chose en plus pour la femme. Naam. Premièrement, avant ça, ظهور الشعر حول العان. Donc, premièrement, l'apparition des poils du pubis. Premièrement, l'apparition des poils en bas. Naam. La personne qui a cela, elle devient pubère. Deuxièmement, خروج الماني. خروج الماني. Deuxièmement, la personne qui trouve yani l'éjaculation de sperme, elle devient pubère. Wa ghaliban, les savants disent, appellent cela l'ihtilam, yani ils citent que cela arrive durant le sommeil, car en général ça arrive ainsi. Car en général ça arrive ainsi. Troisièmement, non. Comment? Qu'il a atteint quinze ans révolus. Pour la femme, tout particulièrement, il y a un signe supplémentaire. Al-hayl, les menstrues. Naam, les règles. Donc, ces signes vous permettent de savoir qui est pubère de qui ne l'est pas. La personne peut savoir si elle est pubère ou non, avec ces signes cités. Mata yajibul wudu. À quel moment la personne a l'obligation de faire ses ablutions? Idha dakhala waqtu salah wa arada an yusalli. Naam. Ou an ya'mala ma yushtaratu lahu al-wudu. Donc à quel moment la personne a l'obligation de faire ses ablutions? Après avoir su qui a l'obligation de faire ses ablutions, il nous faut nous poser cette question. À quel moment? À quel moment la personne a l'obligation de faire le wudu? La réponse, si l'heure de la prière entre, si l'heure de la prière entre, ou que la personne veut faire une action qui est conditionnée par ses ablutions. Comme être tawaf. Naam, comme être tawaf. La personne, par exemple, le Isha est à 20h, naam, est-ce que la personne a l'obligation à 19h30 d'avoir el-wudu, ses ablutions? Non, elle n'a pas l'obligation. Naam. Mais à l'heure du Isha, il va y avoir la prière. Elle a l'obligation d'avoir le wudu pour entrer dans la prière. La personne qui va faire l'umra. La personne qui va faire l'umra ou bien le hajj. Elle rentre dans le masjid al-haram. Elle veut faire le tawaf. Elle veut faire le tawaf. Et nous ne sommes pas à une heure de prière. Est-ce qu'elle peut rentrer, faire le tawaf sans le wudu? Non. Parce qu'on conditionne elle, le tahara. Al-wudu. Donc, elle aura l'obligation, si elle n'a pas cette ablution, d'aller faire le wudu avant de commencer le tawaf. Avant de commencer le tawaf. N'est-ce pas, Jibril? Non. Jibril est avec nous, Amra wa faqahullah. Et lorsqu'on sait tout ça, on parle toujours de la base. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des cas particuliers, tout cela viendra, inshallah ta'ala. Le point suivant, shurutu sihhati al-wudu. Shurutu sihhati al-wudu. Donc il y a ici une révision et un ajout comme vous remarquez. Shurut sihhati al-wudu, les conditions d'authenticité des ablutions. Les conditions d'authenticité des ablutions. Al-shart, la condition. Donc ce mot-là te montre l'importance de ce qu'on étudie là. Car s'il y a un problème dans cela, ça veut dire que ton wudu ne sera pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'action conditionnée par le wudu non plus. D'où l'importance d'étudier ces conditions et de les comprendre. D'où l'importance d'étudier ces conditions et de les comprendre. Premièrement, l'islam. Deuxièmement, l'aql, la raison. Donc, premièrement, l'islam, c'est-à-dire être musulman. Deuxièmement, l'aql, la raison. Troisièmement, at-tamyiz, avoir atteint le discernement. Avoir atteint le discernement. Quatrièmement, an-niyya, l'intention. Quatrièmement, l'intention. Il y a 9 conditions. Voyez-vous, ces 4 conditions, on les retrouve dans les adorations. C'est pas propre à al-wudu. On les retrouve dans les autres adorations. Vous trouverez toujours cela. Al-Islam, Al-Aql, Al-Tamiz, Al-Niyya. Al-Islam, Al-Aql, Al-Tamiz, Al-Niyya. Ça vient dans les adorations. Ensuite, cinquièmement, Al-Ma'u Tahour, de l'eau pure. Sixièmement, Ibahatul Ma', que cette eau soit licite. Que cette eau soit licite. Septièmement, Inqita'ul Mujib. Le fait que ce qui peut annuler ces ablutions s'arrête. Comme par exemple l'urine. Je cite les points puis on les expliquera, inshallah ta'ala. Huitièmement, izalatu mani'a. Le fait de faire disparaître ce qui pourrait, le fait d'ôter, d'enlever, de faire disparaître ce qui pourrait empêcher l'eau de toucher les membres concernés par l'eau. Et neuvièmement, al-istinja. Neuvièmement, al-istinja, inda qiyam al-sabab. Le fait de se laver les parties intimes lorsqu'il le faut. Donc la neuvième condition n'est pas toujours une condition, comme on le verra, inshallah ta'ala. Donc premièrement, al-islam. Al-kafir, le kafir, son wudu n'est pas valable. Ni l'ensemble de ses actions. Na'am, ni l'ensemble des adorations. Car on conditionne pour se voir accepter chez Allah subhanahu wa ta'ala dans l'acte d'adoration. Na'am, al-islam. Al-islam. Qala Allah wa ma mana'a an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى nous dit, donc selon la traduction, et rien n'a empêché l'acceptation de leurs aumônes si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et son message. Naam. Qu'est-ce qui a empêché l'acceptation de cette adoration? Naam, el kufr. Les savants tiraient de cela que parmi les conditions d'acceptation des actions, il y avait l'islam. Allah nous dit également, toujours selon la traduction, qu'on fera avancer ce qu'ils ont fait comme action et tout cela sera rendu poussière éparpillée. Naam. C'est le deuxième verset dans Surat al-Furqan. فَأَعْمَالُ الْكَافِرُ مَرْدُودَ. Donc les actions du kafir sont rejetées. Allah ne les accepte pas. La deuxième condition, الْعَقْلِ. La deuxième condition, الْعَقْلِ. La raison. La troisième condition est tamyiz, le discernement. Le discernement. Pourquoi est-ce que je n'ai pas cité de preuve pour al-aql? La raison, je suis passé directement à tamyiz. Naam. En d'autres termes, pourquoi est-ce que les savants prennent l'habitude de citer al-aql puis al-tamyiz ensemble? Donc pourquoi est-ce que je les ai copiés dans cela? Non, car la preuve qui est citée concerne les deux. Car la preuve qui est citée concerne les deux. Donc ils prennent l'habitude de citer l'aql, puis al-tamyiz, puis citent la preuve. Al-tamyiz, le discernement, a été signalé par un âge chez beaucoup de savants. Beaucoup de savants disent que tamyiz, c'est le fait d'atteindre un certain âge. Naam. Yaqulun bulugh sab' sinin. Ils disent c'est le fait d'atteindre 7 ans. À 7 ans, l'enfant est mumayyiz. A atteint l'âge du discernement, de la distinction. Il fait la différence entre le bien et le mal, ce qui est profitable, ce qui est nuisible, le beau et le moche, et ainsi de suite. Naam. D'autres ont dit, c'est lorsqu'il a la capacité de comprendre ce qu'on lui dit et de répondre. Non. Mais d'autres savants ont dit, mais les premiers ont dit que sans cet âge-là, sans dire 7 ans, on n'aura pas un babit. On ne pourra pas vraiment déterminer quand est-ce que l'enfant est moumayyiz. Donc c'est mieux de s'en tenir à cela. Et d'où est-ce qu'ils ont pris, de quoi est-ce qu'ils se sont aidés pour définir les 7 ans? Du hadith dans lequel le Prophète sallam a dit Mouru abna'akum nissala sab'i sinin. Ordonnez à vos enfants la prière à quel âge? À 7 ans. Donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déterminé un âge. C'est 7 ans. Naam, c'est 7 ans. Et les savants ont fait la remarque à ceux qui font entrer leurs enfants dans les rangs, naam, alors qu'ils ont par exemple 3 ans. En plein milieu de la prière, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il sort, il joue, il fait une galipette et ainsi de suite. Naam, donc ça coupe le rang. Ça c'est une erreur. Naam, antaharis. Tu es motivé pour que ton enfant aime la salat et emprunte la droiture. Mais tu n'es pas plus motivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la guidée de tes propres enfants. Sache. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plus de rahma pour notre guidée que nous en avons pour nous-mêmes. Non. Pourtant, il ne faisait pas entrer les tout petits enfants dans les rangs. Et c'est lui le meilleur des éducateurs, alayhi salatu wassalam. Non. Donc, faites attention à ce point. Si l'enfant n'a pas la capacité d'observer la salat, on ne le met pas dans le rang. Non, on ne le met pas dans le rang. Soit on le met devant nous, soit on le met derrière si ça ne craint rien. Par la même occasion, j'en profite. Ceux qui ramènent leurs enfants, qu'ils les surveillent. On est occupé à conseiller des adultes. Parce qu'on va surveiller aussi les enfants des autres. Et on souffre avec les nôtres déjà. Donc la personne qui ramène ses enfants, elle les garde auprès d'elle. Tu lui apprends à rester devant toi. Où tu l'occupes durant la salat. Alhamdulillah, en général, les enfants ne sont pas plus dérangeants que d'autres personnes et que nos téléphones. Wallahu musta'an. Quelle est la preuve pour l'aql et tamyiz? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rufi'a al-qalam an thalath. La plume a été levée de 3 personnes. Al-majnoun al-maghloub ala aqli hatta yufiq. Premièrement, Celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve, lui n'est pas considéré responsable. Naam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa anin na'im hatta yastayqidh. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Et troisièmement, wa anis sabi. Wa anis sabi hatta yahtalim. L'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. الحديث هذا صحيح الألباني رحمه الله. Quatrièmement, النية. النية, l'intention, c'est إرادة القلب. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. C'est la volonté qu'a le cœur de faire l'action afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté qu'a le cœur de faire une action afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on entend « al-niyya » dans les livres de Aqidah, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. « Tasfiyatul amal »« Salih al-niyya an jami' shawa'il shirk wa ardiyya » C'est le fait de viser par cette action le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les livres de fiqh, ça peut vouloir dire aussi d'autres choses. Naam. Fayuradu bin niyya shay'an. Niyyatu at-taqarrub. Niyyatu al-ma'mul lahu wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-ikhlas. Wa aydan niyyatu al-amal. أيضا نية العمل أي نية الفعل فإذا فقد هذا أو هذا الأمران لم تصح العبادة. Donc dans l'intention on peut vouloir l'une de ces deux choses. Premièrement, pour qui est-ce que tu fais cette action? C'est-à-dire l'ikhlas. Par niya on entend l'ikhlas, la sincérité. Tu agis pour Allah, pour te rapprocher d'Allah. Tu agis à la recherche de son paradis, de son agrément. Ça, c'est l'ikhlas. La deuxième chose qui est voulue par niyya, c'est l'action que tu veux faire. Par exemple, avant de faire al-wudu, tu as la niyya de faire al-wudu. Celui qui se lave les mains ainsi, il prend de l'eau et se lave. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se lave les mains ou est-ce qu'il fait le wudu? Par quoi est-ce qu'on va faire la distinction? Un homme est à gauche, à l'autre est à droite. Les deux se lavent les mains de la même façon. Naam. Qu'est-ce qui fait qu'un est en train de faire le wudu et l'autre il est en train tout simplement de se laver? Par exemple, il est sorti de toilette et se lave. Par quoi est-ce qu'on va faire la distinction entre les deux? Al-niyya, l'intention. Ça, c'est niyatul amal. Par son action, qu'est-ce qu'il... Yani, par cela, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Et l'autre, c'est pour celui d'avant, par cela, qu'est-ce qu'il vise? Il y a, on entend dire, niyatut tamyiz, l'intention par laquelle il distingue ces différentes adorations. Ça, c'est pas pour toutes les adorations, c'est pour toutes les adorations où il y a des semblables. Par exemple, celui qui prie la prière du Dhuhr et celui qui prie la prière du Asr. Est-ce qu'il y a une différence dans les actions? Nombre de raka'at et ainsi de suite, il y a une différence si tu regardes la personne? Non. D'accord? Par quelle chose lui il va faire la distinction entre ces deux salats? Al-niyya, avec son intention. D'accord? Avec son intention. Celui qui a jeûné Ramadan, puis il va jeûner Shawwal, des jours de Shawwal. Al-imsak, c'est al-imsak. Il se retient, yani, il jeûne là aussi. Mais par son intention, il jeûne un jeûne obligatoire dans Ramadan, et l'autre, il jeûne un jeûne surrogatoire. Wa hakada. Yani, il fait la distinction entre différentes. Les adorations. Voici ce qu'il faut savoir pour Aniya. Si il manque soit l'ikhlas, soit l'intention de faire l'action, son action ne sera pas acceptée, son adoration ne sera pas authentique. وهذه شروط الأربعة هي شروط العامة في جميع العبادات. Et ces quatre conditions que vous avez entendues sont des conditions générales dans l'ensemble des adorations. La cinquième condition, الماء الطهور, avoir de l'eau pure. لقوله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Allah nous dit, selon la traduction, et il fait descendre pour vous de l'eau du ciel afin que vous vous purifiez avec. Sixièmement, ibahatul ma, que cette eau soit licite. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وفي رواية هذا رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عمل ليس على أمرنا فورد أي مردود. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre sera rejeté. والذي توضأ بماء محرم هل هو على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Et celui qui a fait ses ablutions avec de l'eau illicite. Yani acquis de manière illicite. Est-ce qu'il a, il est sur l'ordre du prophète sallam ou non? Non, donc son action sera rejetée. Celui qui par exemple vole de l'eau et fait le wudu avec. Il vole de l'eau et fait le wudu avec. Septièmement, une qibaa'u al-mujib. Al-mujib, c'est ce qui incombe de faire les ablutions. Comme le fait d'être allé aux toilettes, ou d'avoir un gaz, ou d'avoir dormi un sommeil profond. Donc ces choses-là annulent les ablutions de la personne. Pour que son wudu soit authentique, il faut que cet empêchement s'arrête. D'accord ? Al-mujib, pour qu'il s'arrête. Prenons par exemple celui qui urine. Hein? Celui qui urine. Celui qui va aux toilettes et il urine. Il fait pipi. Il y a encore des gouttes qui coulent et il commence à faire le wudu. Il commence à faire le wudu. Non? Est-ce que son wudu est sahih ou pas? Non, pourquoi? Car ce qui annule son wudu ne s'est pas arrêté. Car ce qui annule son wudu ne s'est pas arrêté. Il doit donc finir. Il doit donc finir complètement d'uriner. Il doit finir complètement d'uriner. À ce moment-là seulement, il pourra commencer à faire le wudu. Sinon, son wudu ne sera pas valable. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. Jusqu'à ce qu'il les refasse. Ma wajhu istidlal. En quoi ce hadith est une preuve pour la septième condition? Quelle est la septième condition? Inqita'u al-mujib. Que la chose qui annule les ablutions s'arrête. Puis il cite en preuve « La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda » Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous « idha ahdatha » lorsqu'il fait une chose qui annule ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. En quoi ce hadith est une preuve pour ce qui a été avancé? « Ash-shahid min al-hadith idha ahdatha » نعم الشاهد من الحديث إذا أحدث الشاهد c'est-à-dire le témoin, la partie pour laquelle les savants utilisaient ce hadith pour argumenter, c'est ce qu'on appelle الشاهد. نعم le témoin. الذي من قطع موجب وضوئه, celui dont l'action qui annule ses ablutions ne se sont pas arrêtées, la yazal muhdithan, n'a pas cessé d'être muhdith. Naam, c'est-à-dire il est toujours en état de perte d'ablution. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, votre oui étant timide, je vais répéter. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous إذا أحدث. إذا أحدث, ça veut dire lorsqu'il perd ses ablutions. D'accord? Ben celui qui par exemple est encore en train d'uriner, est toujours dans cette appellation Ida Ahdatha. Donc son wudu n'est pas authentique. Huitièmement, Izalatul Mani'a. Faire disparaître la chose qui empêche l'eau d'atteindre ce qui est visé par les ablutions. Naam. S'il y a une chose sur les quatre choses que tu dois toucher par l'eau, qui empêche l'eau d'atteindre la peau ou le membre, tu ne peux pas, al-bashara, tu ne peux pas faire el wudu dans ces conditions. Tu dois d'abord enlever cette chose-là, puis après seulement faire el wudu. Par exemple, celui qui a de la terre sur les os, ou bien sur la peau, celui qui a du gypex, ou bien le maçon qui a du ciment ou autre, cette personne-là, elle ne peut pas prendre l'eau directement et faire le wudu, car ça ne touchera pas certaines parties non, qu'on doit obligatoirement laver. Alors, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va d'abord enlever cette chose, puis seulement elle fera le wudu. Combien sont ceux qui viennent et qui disent, moi je travaille dans le bâtiment, regarde ma main ou mon pied, j'ai telle chose. Est-ce que mon wudu était bon ou pas? Non, il n'est pas bon. Tu dois d'abord enlever ça. Tu dois d'abord enlever cela. Naam. Puis, maza, te laver pour faire le wudu. Tu dois d'abord enlever ce qui empêche serait l'eau de toucher ta peau avant de commencer al wudu. La femme qui met du vernis à ongles, est-ce qu'elle peut faire par la suite al wudu pour prier? Non, elle doit d'abord enlever ce vernis, puis seulement après faire al wudu. C'est pour cela que elles en mettent en général à un moment où elles ne peuvent pas prier. فَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبِ. Nous savons, c'était la règle. Les choses qui concourent à l'accomplissement d'une chose obligatoire le deviennent également. Et les choses qui concourent à l'accomplissement d'une obligation le deviennent également. C'est-à-dire, lorsque tu as une chose qui est obligatoire, ce qui te permet de remplir cette obligation prend le même jugement. De venir faire as-salat au masjid en groupe, c'est une obligation. Donc le fait de sortir de chez toi et de te déplacer au masjid, cette cause-là devient également obligatoire. Naam, devient également obligatoire. Les pas que tu fais pour visiter ton frère en Allah, plutôt la visite de ton frère en Allah, à la base c'est recommandé. Ces pas que tu feras deviendront recommandés. Et ainsi de suite. Neuvièmement, al-istinja inda qiyam al-sabab. Walaysa al-istinja mutlaqan. Donc al-istinja, on a déjà étudié ce chapitre, le fait de se nettoyer les parties intimes après avoir fait ses besoins, c'est la neuvième condition. Mais c'est lorsqu'il y a la cause qui rend obligatoire cela. Donc la personne qui n'est pas partie aux toilettes, elle va pour faire el wudu. Est-ce qu'elle doit d'abord aller se nettoyer les parties intimes avant de commencer le wudu, ou c'est pas obligatoire? Ou je reformule ma question. Est-ce que c'est obligatoire de se nettoyer les parties intimes avant de faire el wudu? Oui ou non? Qu'est-ce qui répond à cette question? Ça va bon. Ça dépend. Jazakallah khair. Vous avez retenu la leçon ou bien le piège? Naam. Ça dépend. Et c'est là que le pauvre enseignant te dit, ça dépend de quoi ? Ghafarallahu la. Naam. Ça dépend si tu es parti aux toilettes ou non. La personne qui n'est pas partie aux toilettes, est-ce qu'elle a l'obligation de faire l'istinja ou pas? Non. Mais la personne qui est partie aux toilettes, elle doit faire, elle, l'istinja. Elle doit faire l'istinja. Contrairement à l'idée reçue chez beaucoup de personnes. Il y a des gens qui pensent qu'à chaque fois qu'elles font el wudu, elles doivent d'abord aller aux toilettes, se nettoyer, naam, ou bien même se forcer à aller aux toilettes. Plus se nettoie, plus fait el wudu, plus font el wudu. Hada khata. Takalluf. Tu t'affliges une charge qu'on ne t'a pas donnée dans l'islam. Alhamdulillah, dinuna yusr. Naam. Notre religion, c'est une religion de facilité. La facilité, elle est dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré. Dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré. Donc retenez bien et informez ceux qui sont derrière vous que la personne qui n'a pas été aux toilettes n'a pas l'obligation de faire l'istinja avant de faire el-wudu. Avant de faire el-wudu. Naam. Et un de nos jeunes frères nous a bien fait rire une fois, il a dit, après, il est venu, il m'a dit, subhanallah, il y a des gens qui ne font pas le wudu après avoir eu des gaz. Je lui ai dit, ben ils ont raison. Naam, car nous n'avons pas l'obligation de faire le wudu après avoir eu des gaz. Et il a dit, Allah Moustah, il a dit, oui, mais il y a gaz, il y a gaz. Naam. Je lui ai dit, naam, je sais qu'il y a gaz et il y a gaz. Mais dans tous les cas, la personne n'a pas l'obligation pour un simple gaz de faire el wudu. Mais cela ne l'a pas convaincu. Naam. Cela ne l'a pas convaincu. Puis il a détaillé des choses que je m'abstiendrai de vous détailler. Fi maqamina had. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le transit de la personne et l'état intestinal de la personne, sachez cela, que la personne qui a un gaz, quel qu'il soit, elle n'a pas l'obligation d'aller aux toilettes, de se nettoyer avant de faire el wudu. Avant de faire el wudu. Naam. Voici pour les 9 conditions de sihat al-wudu. Naam. Au début, vous avez dit que si vous avez un gaz qui est sorti, vous n'êtes pas obligé de faire le wudu. Mais quand le gaz sort, il faut faire le wudu. Naam. Jazakallah khair. Si, ami, j'ai dit que lorsque le gaz sort, on n'est pas obligé de faire le wudu pour la prière, ça c'est une faute de ma part, ma langue a fourché. C'est l'istinja. Wadah? Barakallah fik. Ana ashkuruk. Donc, il m'a été dit que j'ai dit que la personne qui a un gaz n'est pas obligée de faire le wudu. Ça, c'est une faute de ma part. Astaghfirullah. La personne qui a un gaz n'a pas l'obligation de se nettoyer avant de faire le wudu. Hada huwa. Naam. C'est wadih, c'est clair? Naam. Voici pour ce point très important. Shurut sihhati al-wudu. Il reste combien de temps? 10 minutes. Le point suivant, furud al-wudu, les obligations de al-wudu. Les obligations de al-wudu. C'est-à-dire arkan al-wudu. C'est-à-dire arkan al-wudu. Mais les savants dans ce chapitre les ont appelés al-furud. Ou al-rukn. ما لا يقوم الشيء إلا به وكان جزءا من ماهية. فالمقصود بالفروض هنا ما يلزم فيه ولا يصح الوضوء بدونه مطلقا. Donc qu'est-ce qui est voulu ici chez les savants par فروض الوضوء? Les obligations de الوضوء. Les obligations de الوضوء. C'est-à-dire ce que l'on doit obligatoirement faire dans الوضوء. Ce que l'on doit obligatoirement faire dans الوضوء. Et sans cela, il ne sera pas authentique. Sans cela, الوضوء ne passera pas. Quelle que soit la situation. C'est-à-dire même si c'est dû à un oubli. Même si c'est dû à un oubli. Même si c'est dû à une erreur. Son وضوء ne sera pas sahih. Donc فروض الوضوء, c'est-à-dire أركان الوضوء. Pour pouvoir différencier entre الشروط et الأركان, les savants disent الشروط الشروط تتقدم على الفعل تتقدم على الفعل وقد تستصحبه والركن داخل. Donc pour faire la distinction, les savants disent que la condition précède l'action. C'est ce qu'on requiert avant l'action. Et ça peut accompagner l'action. Ça peut aussi accompagner l'action. Par exemple, parmi les conditions de la salat, parmi les conditions de la salat, il y a al-tahara, la purification. La purification, elle vient avant d'entrer dans la salat, mais elle t'accompagne aussi dans ta salat. Alors que le pilier ne vient pas avant l'action. Il est dans l'action. Il est dans l'action. Naam. Donc, celui qui, par exemple, dans le wudu a oublié de laver ses avant-bras. Puis il a prié le Dhuhr al-Asr et le Maghrib al-Isha. Ensuite, il se rappelle qu'il n'a pas lavé ses bras. Et il n'a pas de waswas. Il n'est pas parti de ceux qui ont du waswas. Qu'est-ce qu'il devra faire? S'il va voir un imam, l'imam lui dit Allah Ghafur Rahim, t'as oublié. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon ça ou c'est pas bon? Non? Allah, il n'est pas Ghafur Rahim et le verset, il n'est pas bon? Si. Donc, son istidlal, le fait d'utiliser ce texte pour ce jugement religieux, c'est ça qui est faux. Naam, c'est ça qui est faux. Comme on a l'habitude de le faire, Ahl al-Inhiraf wa al-Bid'a prennent des textes authentiques et ils les mettent où les compagnons ne les ont pas utilisés. Naam. Taïm. Là, on est dans فروض الوضوء. Donc لا يصح بدونها مطلقا. Sans cela, le wudu ne sera pas authentique, même si c'est dû à un oubli, même si c'est dû à une faute. Et ça va, on dit sauf exception. Et c'est par mes exceptions, quelqu'un, l'exemple qui est cité par exemple, la personne s'est convertie à l'islam, elle habite dans un endroit retiré, elle s'est convertie à l'islam, elle a su qu'elle wudu s'était lavé certainement, mais elle a ignoré une partie. Par exemple, elle ne savait pas qu'il fallait laver ses pieds. Pendant un long moment, elle n'a pas lavé ses pieds, elle a prié ainsi. Puis elle apprend que dans le wudu, il y a aussi le lavage des pieds jusqu'au chevet. D'accord? Est-ce que lui, on lui dit de rattraper, par exemple, un an de salat? D'accord? Cheikh Sulaiman Rahil, Hafidahullah Ta'ala, si cet exemple est hadith? Non, parce que lui, il entre dans la catégorie du hadith. C'est pas par l'oubli, c'est pas par l'erreur qu'on lui dit que t'as pas à rattraper. Mais c'est parce qu'il entre maintenant dans une autre catégorie, l'incapacité. C'est une sorte d'incapacité, car il y a plusieurs types d'incapacité. Il y a celui qui n'a pas lavé ses pieds car il n'a pas de pied. Naam, il est handicapé, il n'a pas de pied. Il y a celui qui ne peut pas. Naam, il y a celui qui ne peut pas pour certaines raisons. À la kulli hal, dans ce cas-là, on ne lui ordonnera pas. Pas parce qu'il ne savait pas. Ce n'est pas ça l'excuse. L'excuse, c'est que maintenant il arrive à un niveau où il est dans une sorte d'incapacité. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces choses-là qu'on va citer, tu dois absolument les faire. Si tu ne les fais pas par oubli ou autre chose, ton odo ne sera pas sahih. استقرى العلماء حول الوضوء أي ما تعلق به فرأوا أن فعل الوضوء لا تخرج عن أشياء. Donc les savants, après avoir étudié l'ensemble des textes, se sont rendus compte que les actions de l'wudu ne sortent pas de certaines catégories. إما يكون فرضا وإما أن يكون مستحبا Ils se sont rendus compte que ces actions soit étaient obligatoires, soit recommandées, soit tout simplement permises. Les savants sont tous d'accord pour dire que les obligations de l'wudu, que l'obligation dans le wudu, ou les choses obligatoires dans le wudu, sont ceux qui ont été cités dans le verset de Al-Wudu. Donc ces quatre choses. Ces quatre choses, na'am, citées, il n'y a pas de divergence dessus. Na'am. Thumma ikhtalafu, puis ils ont divergé. Fima fuhima min al-aya. Puis ils ont divergé dans ce qui a été compris du verset. Amma les quatre choses citées, il n'y a pas de divergence dessus. الفرض الأول la première obligation غسل جميع الوجه le fait de laver l'ensemble du visage ومنه الفم والأنف et entre dans cela la bouche et le nez. Donc la première obligation, le fait de laver l'ensemble du visage. Fait partie du visage, le nez et la bouche. Ou bien la bouche et le nez. Et le verset de l'Wudu est « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum minas salati faghsilu wujuhakum » Cette partie est la preuve pour « Al-Fardul Awwal » Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages. Lavez vos visages. Ma huwa al-wajh? Ma yahsulu bihi al-muwajaha? Le visage, c'est quoi? C'est ce avec quoi tu fais face aux gens. Ce avec quoi tu fais face aux gens. Wa minhu al-fam wal-anf. Donc entre dans cela la bouche et le nez. La bouche et le nez. Al-muwajaha et al-muqabala. Aussi, al-an, al-fam, wal-wajh, lahuma hukmul khaj, lad-dakhil. La bouche et le nez ont comme jugement d'être une chose extérieure. Donc on devra aussi laver, pas intérieur, comme l'intérieur du corps. Naam. Par exemple, celui qui se met de l'eau dans la bouche, ou bien de l'eau dans les narines, est-ce qu'on dit qu'il a rompu son jeûne, qu'il a mis de l'eau à l'intérieur de son corps, ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ça a le jugement du kharij, parce que la bouche et le nez, ça a le jugement d'être à l'extérieur du corps, pas à l'intérieur. Non. Celui qui a mis par exemple de l'alcool dans son nez, il n'a pas avalé. Est-ce qu'il aura le jugement de celui qui a bu dans l'islam? Non. Donc tout ça, ça montre quoi? Les savants ont cité tout ça pourquoi? Pour montrer que la bouche et le nez ont le jugement d'être à l'extérieur, pas à l'intérieur du corps. Maintenant, il nous faut savoir haddul wajh, la délimitation du visage. Min manabit ash-sha'r al-mu'tad. Donc ici, ila asfali al-lahya toulan. Donc jusqu'ici. Na'am, wa min al-udhun ila al-udhun 'ardan. Donc la délimitation du visage se fait ainsi. En longueur, c'est de l'endroit où poussent les cheveux au-dessus du front, jusqu'au bas du menton. Ça, c'est en longueur. Et en largeur, de l'oreille, d'ici, à l'oreille, à ici. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la délimitation du visage qu'on doit laver pour el wudu. Na'am, min manabit ash-sha'r al-mu'tad. Les savants disent de l'endroit où les cheveux commencent à pousser, c'est-à-dire au-dessus du front. Et certains ont ajouté al-mu'tad, habituellement. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis habituellement? Parce que celui qui a une calvitie, na'am, ses cheveux reculent au milieu de la tête ou plus loin même. Na'am, est-ce que lui, on va lui dire que pour laver son visage, il sera obligé de faire ça? Non. Na'am, aussi, il y a d'autres personnes, leurs cheveux, yani, poussent et descendent sur le front. Est-ce qu'ils vont commencer plus bas que les autres? Non. C'est pour ça qu'ils ont dit « al-mu'tad » habituellement. Donc, en longueur, d'ici à là, et en largeur, d'ici à là. C'est-à-dire, de l'endroit où commencent les cheveux à pousser, à au bas du menton, et de l'oreille droite à l'oreille gauche. Ça, c'est pour celui qui n'a pas une barbe fournie. D'accord? C'est-à-dire qui n'a pas une barbe qui est longue ou bien large au point de cacher son menton. On ne voit pas son menton, regarde. Quant à celui qui a une barbe, ça va jusqu'où? Jusqu'au bout de sa barbe. Jusqu'au bout de sa barbe. Est-ce que c'est compris? Donc la longueur pour celui qui a une barbe, c'est pas le menton. C'est jusqu'au bout de sa barbe. C'est jusqu'au bout de sa barbe. Et avant que les gens demandent à la fin, est-ce que c'est obligé de faire at-tahlil, yani le fait de rentrer les mains dans la barbe avec de l'eau, ainsi de suite? Ça, ça viendra dans Sunan al-Wudu, dans les choses recommandées dans al-Wudu. La deuxième obligation, ghaslul yadayn ila al-mirfaqayn, le fait de laver ses deux mains jusqu'au coude. Na'am, le fait de laver ses deux mains jusqu'au coude, c'est-à-dire d'ici, du bout des doigts, jusqu'au coude compris. C'est-à-dire on doit laver les coudes. Tu es obligé de dépasser un petit peu. Les coudes entrent dans ce que tu dois laver. Attention, tes coudes doivent être là. Na'am. Et certains savants ont dit dans le verset, donc Allah nous dit, et lavez, sur la traduction, vos mains jusqu'aux coudes. Donc avec les coudes. Celui qui n'a pas lavé les coudes, son wudu n'est pas sahih. Et l'autre preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu, donc l'imam muslim rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu, il lavait son bras et arrivait sur l'autre membre, c'est-à-dire il dépassait le coude. Donc il lavait les coudes. Il lavait les coudes. C'est très important. Troisièmement, massu ar-ra'si kullihi ma'al udhunayn. Na'am al-'adud, c'est le biceps, si je ne me trompe pas. Troisièmement, il doit laver sa tête entière avec les oreilles. Pas laver, mass, il doit passer ses mains. Il doit passer ses mains mouillées sur sa tête et les oreilles. Qala Allah amsahu bi ru'usikum. Allah dit, passez vos mains sur vos têtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-udhunani min ar-ra's. Les oreilles, les deux oreilles font partie de la tête. Et le reste de points, on va finir après la salat, inshallah ta'ala. Salli Allahumma barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd, nakhtim kalamana furud al-wudu. الفرض الثالث مسح الرأس كله مع الأذنين. Donc les obligations de l'wudu, فروض الوضوء ستة. Les obligations de l'wudu sont nombre de six. La première chose, laver le visage entièrement. La deuxième chose, laver غسل اليدين المرفقين. Faites de laver les deux mains jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes. La troisième chose, donc laver, ou plutôt passer les mains mouillées sur la tête entièrement, et les deux oreilles. Et les deux oreilles. La preuve de cela, toujours le verset de l'Oudou, passez, donc essuyez vos têtes. Et la preuve pour les oreilles, قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس. Imam al-Albani nous dit qu'il est authentique. Si je me souviens bien, il est dans le cas d'Ibn de Abu Daoud. Je vérifierai. Naam. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit les deux oreilles font partie de la tête. Les deux oreilles font partie de la tête. Quatrièmement, غسل الرجلين إلى الكعبين. Laver les deux pieds jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Allah nous dit lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc la traduction. والكعبان داخلان في المغسول. Et les chevilles, نعم, doivent être lavées. Les chevilles doivent être lavées. Tout comme le pied doit être lavé. Naam. Celui qui n'a pas lavé ses chevilles n'a pas rempli son obligation. Wa ma huwa al-ka'b. Naam. C'est quoi al-ka'b? Al-ka'b, c'est les boules que tu as à la cheville. Donc chaque pied a deux ka'b. Naam. Al-ka'b, c'est les deux boules qu'il y a à chaque extrémité. C'est clair? C'est pas la cheville comme on pourrait l'entendre nous. Naam, lorsque la personne dit je me suis tordu la cheville. Al-Ka'b, c'est quoi? Al-Ka'bain, c'est les deux boules qu'il y a sur le côté. C'est wadah, c'est clair où je vous montre. Vous avez tous compris? Naam. Tayyib. La cinquième obligation, at-tartib. At-tartib. C'est l'ordre entre les différents membres. Naam, entre ces quatre choses, cette tartib, l'ordre. Naam, bi an yatawadda ala tartib al-aya. Tu dois faire tes ablutions dans l'ordre indiqué dans le verset. Tu dois faire tes ablutions dans l'ordre indiqué dans le verset. Bi an yabda bil wajh thumma al-yadayn thumma ar-ra's thumma ar-rijlayn. Tu dois commencer par le visage, puis les mains, puis la tête, puis les pieds. Donc la personne n'a pas la permission de laver, par exemple, ses bras, naam, avant le visage, ou ses pieds avant les bras. Il doit suivre l'ordre qui a été cité dans le verset. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces choses-là dans un ordre. Car Allah azza wa jalla a cité ces choses-là dans un ordre. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith, je commence par la chose qu'Allah a citée en premier. Naam, dans Safa al-Marwa, il a commencé par As-Safa. Dans une autre version du hadith, wa fi riwaya ibda'u bima bada Allahu bi. Commencez par ce par quoi Allah a commencé. Aussi, li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a murattaban. Parmi les arguments, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait ses ablutions de la sorte, c'est-à-dire dans cet ordre, dans l'ordre qu'Allah a cité dans le verset. Une autre preuve encore, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعربي توضأ كما أمرك الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à un bédouin, et le bédouin en général est loin des villes, il n'a pas de sou. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit fais le wudu comme Allah te l'a ordonné dans le verset. Comme Allah te l'a ordonné, c'est-à-dire dans le verset. Na'am, donc il y a cet ordre-là. Et pour conclure, ils ont cité une sagesse qu'il y a dans le verset. ومما يدل على وجوب الترتيب خلافا للمالكية أن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين وهذا ليس من عادة العرب. نعم الفصل بين المتماثلات وما فعل ذلك إلا لفائدة والفائدة الترتيب. Les savants ont dit dans le verset, on a cité une chose qu'on doit essuyer entre deux choses qu'on doit laver. Et ça, ça n'est pas l'habitude des Arabes, de séparer entre les choses semblables. Donc si on a mis en plein milieu une chose qu'on doit essuyer, au milieu de choses qu'on doit laver, c'est qu'il y a une sagesse. Les savants ont cherché la sagesse et ils ont trouvé que c'était quoi ? At-tartib. C'est que l'ordre est voulu. La dernière obligation... Al-Mu'ala. La dernière obligation, c'est quoi? Al-Mu'ala. C'est-à-dire de laver les membres les uns après les autres. De ne pas laver un membre, d'attendre un moment, puis de laver un autre membre. Na'am. Dhabituha, alla yu'akhira ghassl 'udwin hatta yanshifa alladhi qabla. Les savants qui ont mis une limite en disant qu'ils ne devaient pas retarder le lavage d'un membre au point où le précédent sécherait. Naam. Tu ne dois pas retarder le lavage d'une chose, d'un membre, au point où celui d'avant a séché. Si tu fais cela, à ce moment-là, ton wudu, tu n'auras pas rempli l'obligation de ce qu'on appelle al-mu'ala. Le fait de laver les choses voulues par le wudu successivement. والدليل حديث جابر بن عبد الله لا بخاف سي الحديث جابر بن عبد الله اخبرني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضى فترك موضع ظفر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فاحسن وضوءك ثم رجع ثم صلى رواه مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه دي عمر بن الخطاب ما جي كان ما في Al-Wudu et a délaissé un petit espace de son pied. Il a fait le wudu et l'eau n'a pas touché un petit espace de son pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Quand il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne, fais le wudu convenablement. Parfait, Al-Wudu. Puis reviens et fais ta prière. Il ne lui a pas dit va laver juste l'espace qu'il manque. Naam. Si Al-Mu'ala n'était pas une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit juste lave cet espace. Mais il lui a dit de refaire El Wudu entièrement. Dans un autre hadith, Ra Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rajunan yusalli, wa fi zahri qadami lum'atun qadra dirham, lam yusibha al-ma, famarahu an yu'id al wudu wa as-salah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui a fait la prière et sous son pied, il y avait l'espace d'une pièce qui n'avait pas été touchée par de l'eau. Alors il lui a ordonné de refaire le wudu et la salat. Il lui a ordonné de refaire le wudu et la salat. Ceci est une preuve pour dire que le mu'ala est une obligation. On s'arrête sur cela, inshallah ta'ala.